humbly, comme un monstre, je suis un fruit. Je reviens dans ton lit, contre toi je me blottis. Tu resteras même quand tout sera fini. Dans mon lit, il y a du bruit qui me touche, qui m'ennuie. Qui m'ennuie. Je reviens dans ton lit. Dans le mien, il y a des cris. Des secrets tout enfouis. Je reviens dans ton lit. Je serai sage, je t'en supplie. Je me ferai tout petit. Dans mon lit, il y a du bruit qui me colle, qui m'ennuie, qui m'ennuie. Assure-moi, assure-moi que si j'y retourne cette fois, il ne sera plus là. Je reviens dans ton lit avec mes habits pleins de plis et mes rêves salis. Dans mon lit, il y a du bruit qui me pénètre, qui m'ennuie, qui m'ennuie, qui m'ennuie, qui m'ennuie.